Sourire aussi blanc que les socks. Charles Play, je cherche les ingrédients. J'suis plus la merde, un peu sur boss. C'est pour ça quand je pars, je suis pas méfiant. Des histoires de pute dans le messenger. Elle ne doit pas connaître la messe alors. Toujours en avance, mais jamais à l'heure. Je me permets d'être speed quand je m'endors. Et si t'entends des pannes, maintenant baisse pas. C'est que la tantine, c'est fait pétane. Comme Charachatel, c'est tout ce qu'on voit. Pas d'anxiolytique dans mon peurane. La vie n'est pas saine, mais la roche est là. Je crois dans le cul de sa meuf, c'est pas Pamela. Des mecs qui sont dead pour de la merde. J'aime pas trop ta gueule, Léo Mandela. Je porte tout ça parce que je l'ai fait. Je finis mal quand je mets trop l'effet. Pas besoin de parler, je ne changerai pas. Comme les vieux racistes en Alabama. Votre taf et ça l'est rapide. Faut pas que je dératise, faudra me supplier. Des centaines de ton quart dans le cendrier. Profite un peu toi si j'arrive, faut te replier. Oh. Yeah. Si tout va bien, tant mieux pour toi. Je voulais juste remplir mes poches. Mettre à l'abri mes proches. Je veux que tous les banquiers me vous voient. Rentrer dans le Panama Papers. Et faire la une des mags. Yeah. Si tout va bien, tant mieux pour toi. Je voulais juste remplir mes poches. Mettre à l'abri mes proches. Je veux que tous les banquiers me vous voient. Rentrer dans le Panama Papers. Et faire la une des mags. Yeah. J'ai la même team depuis le départ. Pousser la team, roquette, bande de goofy. Je suis pété, je maîtrise mes pas. Je vois très bien que c'est pas mes amis. Depuis longtemps ils sont pas nids de moi. Et je suis sûr qu'au fond ils le savent. Je tape avec une bitch, elle est fan de base. Je m'en bats l'ex si elle est fraîche ou pas. Je vais tâter sa bouche et ses fesses. La Gucci Fendi écoute pas tout pack. J'ai qu'au fond elle veut mon cloudy. Et de mon côté je fais les jazz. Écoute pas ces négros qui passent tout part dans les peu clips pour montrer ses tests. Et qui parle que par SMS. 2018 comme à Randstad. Les haters ont gratté du terrain. Les groupies vont montrer leurs fesses. Yeah. Si tout va bien tant mieux pour toi. Je voulais juste remplir mes poches. Mettre à l'abri mes proches. Yeah. Je veux que tous les banquiers me vous voient. Rentrer dans le Panama Papers. Et faire la une des mags. Yeah. Si tout va bien tant mieux pour toi. Je voulais juste remplir mes poches. Mettre à l'abri mes proches. Je veux que tous les banquiers me vous voient. Rentrer dans le Panama Papers. Et faire la une des mics. Je suis avec tout le gang. Je viens de casser mon tel. Je suis comme un dingue. Elle m'attend au Sofitel. Je vais la fourrer comme une dinde. Sinon tu kiffes, tu remets. Dans les vestiaires, nous ça remet. On te cala pas, on te renie. Si on sent, tu tiens relou. Je suis dans le pogo, c'est remous. Sa coche pleine, c'est le refou. Ton pote est rond et il rend fou. C'est ses poches que l'on fouille. Hey, hey. Tout plié, tout plié, tout plié. J'suis dans le game, c'est pour tout plier. Six pins dans le cup, c'est pour l'oublier. Hey, hey. Tout plié, tout plié, tout plié. J'suis dans le game, c'est pour tout plier. Six pins dans le cup, c'est pour l'oublier. Hey, hey. Tout plié, tout plié, tout plié. J'suis dans le game, c'est pour tout plier. Six pins dans le cup, c'est pour l'oublier. Hey, yeah. Si tout va bien, tant mieux pour toi. Je voulais juste remplir mes poches. Mettre à l'abri mes proches. Je veux que tous les banquiers me vous voient. Rentrer dans le Panama Papers. Et faire la une des mags. Yeah. Si tout va bien, tant mieux pour toi. Je voulais juste remplir mes poches. Mettre à l'abri mes proches. Je veux que tous les banquiers me vous voient. Rentrer dans le Panama Papers. Et faire la une des mags.